Nous saluons encore une fois ce soir chaque frère, chaque sœur avec joie dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Maratena tunasalimia kila ndugu na kila dada mangaribi ya leo na furaha mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous remercions, nous saluons également nos frères, nos sœurs qui nous suivent à travers les ondes. Tunasalimia pia bandugu wale wanatufuata kunjia ya internet. Nous les saluons tous aussi dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore une fois d'être dans sa présence. Un jour dans la présence de Dieu vaut mieux que mille ailleurs. Il n'y a aucun magasin là où on vend le Saint-Esprit. Il n'y a aucun magasin là où on vend le pardon. Il n'y a aucun magasin là où on vend la délivrance. Toutes ces choses-là, c'est dans la présence de Dieu qu'on les expérimente. C'est pourquoi David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Parce que ce que le monde ne peut pas me donner, quand je suis dans la présence de Dieu, Dieu va me la donner. Que Dieu vous bénisse. Nous nous mettons debout. Nous continuons toujours avec notre sujet. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens plutôt. Nous lisons. Tuko nasoma. On peut commencer même à partir verset 11. Transio musare ya 11. Et on va prendre aussi le verset 1 du chapitre 7. Tutachukua na musare ya kwanza ya sura ya 7. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Kinywa kyetu kinafunguka juu yenu. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Wakorinto, moyo wetu inazamba. Notre cœur s'est élargi. Moyo wetu inafunguka. Inafunguka tu sana. Inafunguka sana. Vuni yetu point à l'étroit. Amuna amusongwe hapana. Vuni yetu pas à l'étroit. Amuna benye kusongwa. Mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Na lakini ni moyo wenu ndio inakonda kwa ajili yetu. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Voilà, ni mapatano kaniku katikati ya nuru na magiza. Quel accord y a-t-il entre Christ et Belial? Ni mapatano kaniku katikati ya Christo na Beliali. Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Voilà, ni sehemu kanile kuna mwaminifu pamoja na wasipo kuamini. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Voilà, ni mapatano kaniku katikati ya ekalu ya Mungu na masanamu. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils. Et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses. Bien-aimé, Papendwa, purifions-nous de toute souillure, de la chair mwili, et de l'esprit mwaro, en achevant mkumaliza, notre sanctification yetu, dans la crainte de Dieu. Dani ya boka bwa Mungu. Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura ya ine. Ephésiens chapitre 4. Wa Efeso sura ine. Verset 17. Musari ya kumina saba. Voici donc ce que je dis. Tazameni basi ile mina sema. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Na ile mina tangaza ndani ya Bwana. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Ya kwamba mwezi tena kutembea sawa bapagano. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Amwezi tena kutembea sawa bapagano. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Venye kutembea kufatana na ubatili ya mawazo yabo. Ils ont l'intelligence obscurcie. Akili yabo inashatiwa magiza. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Boni bakeni ku maisha ya Mungu. À cause de l'ignorance qui est en eux. Wajili ya kutokujua kwenye kwa ndani yabo. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Wajili ya mioyo yabo migumu. Ayant perdu tout sentiment. Venye kupoteza nia yote. Ils se sont livrés aux deux règlements pour commettre toutes sortes d'impuretés jointes à la cupidité. Yenye kungana na tamaa ya fedha. Mais vous, nous qui sommes ici, vous qui croyez, le message biblique du temps de la fin, ujumbe ya Biblia ya wakati ya mwisho. C'est ainsi que nous avons appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, kama kweli kweli mulimusikia, si et si conformément à la vérité na, qui est en Jésus, na kama kufuatana na ukweli yenye kwa ndani ya Yesu, c'est en lui ni ndani yake, que vous avez été instruits, ndio mulijifunza, à vous dépouiller, ya kujivua, par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et dans une sainteté que produit la veille. C'est pourquoi renoncer. Est-ce que vous êtes à l'église? C'est pourquoi renoncer au mensonge. Et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche sur votre colère. Ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ce même ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais si y a lieu quelques bonnes paroles qui servira à l'édification et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, yote, que toute colère, yote, que toute clameur, yote, que toute calomnie, yote, et toute espèce de méchanceté aina yote ya, disparaissent du milieu de vous. ipate kupotea katikati yetu. Église, est-ce que vous êtes là? C'est une obligation. Et cette obligation va pousser chaque frère, va pousser chaque soeur à travailler. C'est pas Dieu qui viendra enlever ça. C'est nous-mêmes les croyants qui doivent enlever ça dans nos vies et au milieu de nous. Église, est-ce que vous êtes là? Si vous êtes là, dites amen. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Que toute la bénédiction de la parole vous accompagne. Assoyez-vous. Mes frères et sœurs, ce que nous venons de lire, ça ne demande pas une interprétation particulière. Ça ne demande pas une interprétation particulière. C'est clair. Amen. Amina. C'est vraiment très clair. Ainsi, Ivi basi. Comprenez encore une fois. Mwelewe mara tena. Dieu a dit, Mungu alisema, avant le jour de l'Éternel, mbele ya siku ya wamilele, je vous enverrai. Tamitumiaka. Eline. Elia nani? Nabii. Tout celui qui a reçu ule ote alipokea, le message biblique du temps de la fin, ujumbe ya mbiblia wakati ya mwisho, il est en train de dire au monde, eko naambia kudunia, que moi tel que vous me voyez, ya kwamba mimi hivi mnaniona, voyant ce que Dieu a dit dans ce temps, mwenye kuamini kile Mungu anasema mwiki, je fais partir de ceux qui sont en train de fuir la colère à venir. Mie niku mkundi ya bale beko nakimbia kasirani ile kuna kucha. Église, est-ce que vous êtes là? Et si kanisa munafuata? Ma chère, dada yang, toi qui as cru ce message, wewe ule uliamini ujumbe, par ta foi, upitia imani ya, c'est-à-dire tu es en train de fuir, manake kuna kimbia, la colère à venir, kasirani ile kuna kuja, mon frère, tu es en train de fuir, ndugu yangu kuna kimbia, la colère à venir, kasirani ile kuna kuja, Dieu a dit, Mungu alisema, avant le jour de l'Éternel, mbele ya siku ya wamilele, avant le jour de l'Éternel, mbele ya siku ya wamilele, jour de colère, siku ya kasirani, lisons d'abord cela, tuisome kwanza ile. Malachie chapitre 4. Sura yake ya ine ya Malachi. Verset 5. Mustari ya tano. Voici je vous enverrai Élie le prophète. Tazama tamitumiaka Élie nabii. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Ele ya siku ya wamilele ifike. Ce jour grand. Ile siku mkubwa. Redoutable. Na ya kuogopesha. Ce jour grand est redoutable. Ile siku mkubwa na ya kuogopesha. Avant le jour du salut. Mbele ya siku ya wokovu. Je avais envoyé. Mungu alituma. L'esprit d'Élie. Roho ya Elia. Avant le jour du salut. Mbele ya siku ya wokovu. Et cela a été accompli. Na ile ilitimilika. À travers le ministère de Jean-Baptiste. Kupitia utumishi ya Yohana Mbatizaji. Avant le retour de Jésus. Mbele ya kurudi kwa Yesu. À la fin du jour de salut. Mwisho ya masiku ya wokovu. Je a promis. Mungu de nous envoyer encore Élie le prophète. Mes frères et sœurs, nous sommes au dernier âge de l'Église. Nous sommes pratiquement à la fin du temps de grâce que Dieu a accordé aux gens des nations. Et tous les signes sont en train de montrer que Jésus est à la porte. Manquer l'enlèvement, c'est manquer aussi l'objectif pour lequel tu es sorti du monde. Manquer l'enlèvement, c'est manquer l'objectif pour lequel tu as fait le sacrifice pour abandonner toutes les choses du monde. Nous sommes des humains comme tous les humains. Mais c'est si aujourd'hui tu ne t'habilles pas en pantalon comme les autres femmes le font, c'est parce que tu crois le message. Amen. Amina. Alors que tu es humain, chapo kumutu, Tu es humain comme tout humain. Ce n'est pas par plaisanterie que nous avions abandonné certaines habitudes. Ce n'est pas par plaisanterie que nous sommes sortis du monde. Ce n'est pas par plaisanterie que nous sommes sortis, nous nous sommes même séparés de nos frères charnels. C'est parce qu'il y a un objectif que nous sommes en train de poursuivre. C'est pour que le Seigneur nous aide à saisir le pourquoi et à travailler, chacun travaille sur ça. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, Dieu ne cesse de nous parler. À travers le ministère, d'une façon ou d'une autre, Dieu continue à nous parler. Élargissez vos cœurs. Élargissez notre cœur pour recevoir la parole de Dieu. Amen. Amen. Le message biblique du temps de la fin. Il est en train de fuir la colère à venir. Dada, on a chitia. Si tu es en train de fuir la colère à venir, l'esprit d'Elie, comme il pouvait parler à travers Jean-Baptiste, cet esprit peut encore nous parler ce soir. Il permettra de nous poser la question. Qui vous a appris à fuir la colère à venir? Si c'est Dieu qui vous a appris par son esprit, à travers ses paroles, à fuir la colère à venir, conduisez alors les fruits dignes de la repentance. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes sortis du monde pour fuir la colère qui va tomber sur le monde. Nous parlons sur l'adoption. Et pour ton adoption, mon frère, ma soeur, Dieu n'est pas le seul qui doit travailler. Dieu n'est pas le seul qui doit travailler. Nous sommes ouvriers. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Dieu nous parle. Et nous aussi nous travaillons sur ce que Dieu nous dit. Nous ne sommes pas les grâces sans effort. Nous n'avons pas de tolérance sur le péché. Quelle que soit sa forme, c'est tolérance zéro. Il n'y a pas de grand péché. Il n'y a pas de petit péché. Tout péché reste péché et c'est condamnable. Et en tant que les enfants de Dieu, nous n'allons pas tolérer le péché dans nos vies. Dieu n'est pas le seul à travailler. Nous travaillons avec lui. Et si vous voulez bien comprendre, il y a aussi une illustration biblique qui nous concerne. Amen. Amen. Il y a un type dans la Bible. Biblia, c'est le type de Ruth. Ruth. Luta. Ruth. Luta. C'était une Moabite. Selon la nature. Na asili, selon le naturel. Ruth, c'était une Moabite. Mais, par prédestination. Par prédestination, Ruth, dans le plan de Dieu, Ruth, c'était une élue. Est-ce que vous acceptez ça? Ruth, c'était une élue. Et étant qu'élue, elle a sa place qu'elle doit avoir. Et pour arriver à la place que Dieu avait prévue pour lui, mes frères et sœurs, Ruth avait travaillé. Ruth avait pris des décisions. Ruth avait même renoncé. Elle pouvait renoncer même son identité. Elle pouvait renoncer son identité. Parce que sa mère, sa belle-mère, à la croisée du chemin, sa belle-mère pouvait leur dire, et elle, et Orpa, leur belle-mère pouvait leur dire, Ne continuez pas vraiment, parce que quand je vous vois, wakati mina miona, mon cœur est vraiment rempli aussi d'amertume. Que chacun nous retourne. Kila mmoja wenu arudie vers ses parents. Même si aujourd'hui je peux avoir un mari, ataka maleo mina pata buwana, c'est pas pour cela que vous devez attendre aina juu ya ile mwanaweza na kuchunga, que cet enfant puisse grandir pour qu'il puisse vous prendre en mariage. Que chacun retourne. Kila mmoja wenu arudie. Retournez chez vous. Urudie kwenu. Pour que vous puissiez avoir des maris. Vous pate babuana kule. Qui puisse aussi vous marier. Kumiowa. Vous puissiez avoir des familles. Pate kwa na mwana jang. Mais frère, c'était à la pointe du chemin. Ilikuwa ni mbalabala. Orpa était là. Orpa alikuwa pale. Ruth était là. Ruth alikuwa pale. Naomi était là. Naomi naye alikuwa pale. Et il leur a présenté la parole de Dieu. Alibaonesha neno la Mungu. Et chacun d'entre nous, chaque jour, kila mmoja wetu, kila siku, par rapport à sa vie, wa kuangalia maisha yake, marche à la parole de Dieu. Bele neno la Mungu. Chaque jour, kila nous devons prendre une décision. Tunapashi chukua mpango. Chaque jour, kila siku, à chaque instant, kila wakati, à chaque seconde, kila dakika, en vivant dans ce corps, marche à la parole de Dieu. Bele neno la Mungu. Nous devons prendre une décision. Tunapashi chukua mpango. Si à la faillite, c'est parce que nous ne prenons pas de décision pour la parole de Dieu. Nous prenons des décisions pour le monde. Et c'est Jésus, vous êtes là. Et c'est Jésus, vous êtes là. Orpa était là. Orpa alikuwa pale. Ruth était là. Ruth naye alikuwa pale. Tellement que la belle-mère a insisté. Kama vile mama wa Mungu alikaza sana. Orpa a essayé. Orpa alipima. La belle-mère a insisté. Mama yake Mungu alikuweka mkazo. Ruth a essayé. Ruth alipima. La belle-mère a insisté. Mama Mungu aliweka mkazo. Pour finir, mwisho yake, Orpa a pris la décision. Orpa alichukua mpango. De retourner. Yaye kurudia. Combien de Orpas sont ici ce soir? Orpa ngapi wako hapa magharibi ya leo? Combien de Orpas sont ici ce soir? Orpa ngapi wako hapa magharibi ya leo? Mes frères et sœurs, il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Mais c'est quoi ce soir? Nous avons affaire à des rites. Je crois ce soir, nous avons affaire à des rites. Et si les rites sont là, ils doivent dire amen. Amen. On a affaire à des rites. Léo, tu connais pas l'outa. Est-ce que les rites sont là? Est-ce que je peux voir un peu? Que je vous bénisse. Vous êtes des rites. Dans le corps, vous pouvez être faible. Mais le Saint-Esprit nous a toujours fortifiés. Ceux qui se confient en l'Éternel, renouvellent leur force. Même ce soir, toi qui étais faible, sois renouvelé. Si tu avais perdu le zèle, sois renouvelé. Que ce soit, que autant toi, tout zèle amène. Oui, Dio. Orpa dit au revoir. Orpa alisema wawawe. Je retourne. Mi binarudia. Mérite. Lakini luta yeye. Adieu sa belle-mère. Alimwambia mamake mkwe. Ne me presse pas de t'abandonner. Usinisonge nikuache. Ne me presse pas de t'abandonner. Usinisonge nikuache. Ton peuple. Taifa yako. Ton peuple. Taifa yako. Sera mon peuple. Itakuwa taifa yako. Ton Dieu. Sera mon Dieu. De la même manière que Jésus pouvait éprouver les disciples, il pouvait leur dire, il y a des autres qui sont partis, mais vous aussi, partez comme les autres. Qui est le véritable élu? Il a dit, acquérions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. Amen. C'est la position que nous devons avoir. Ma soeur, ne sois pas abandonné. Prenez cette décision. Quelle que soit la forme des difficultés. Quelle que soit la forme des problèmes que tu peux avoir. On t'insulte. Ils vont continuer à t'insulter. Écoutez mes soeurs. Quelqu'un t'insulte. Le soir, qu'est-ce qu'il va faire? Il fera quoi le soir? Il va dormir. Elle a renoncé même son identité. Elle savait bien que moi, mon habite, que j'entre à Bethléem, qui va m'épouser? Parce que Dieu, leur Dieu, ne permet jamais que ce peuple-là puisse se marier à des gens qui ne sont pas de leur nation. Mais par-dessus ça, Ruth a renoncé à son identité. L'identité moabite. Renoncer à votre identité charnelle. Renoncer à votre identité naturelle. Vous n'êtes pas le naturel. Vous êtes le céleste. Toi, ma soeur, tu es le céleste. Est-ce que vous comprenez? Quand tu marches, le ciel veille sur toi. Quand tu marches, le ciel veille sur toi. Quand tu pries, le ciel est disposé de t'écouter. Ne soyez pas troublés. Vous êtes les bien-aimés du Seigneur. D'après, Nina Minia Kusema, Mangari Dialeo, Unabarikiwa. Dada, Nina Minia Kusema, Mangari Dialeo, Unatunzwa. Pale wiko, là où tu es. Sema ni comme toto ya Mungu. Je suis un enfant de Dieu. Parle wiko sema ni comme toto ya Mungu. Je suis un enfant de Dieu. Sema ni comme toto ya Mungu. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Amen. Ni comme toto ya Mungu. Je suis un enfant de Dieu. Hata mimi nilizalika sawa mtoto ya Mungu. Mais kwa neema leo ni comme toto ya Mungu. Una rumba mbingu. Una rumba dunia. Una rumba vitu vyote. Cho baba yangu mimi. Je suis mon père à moi. Lui t'a renoncé. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton pays sera mon pays. Ne me presse pas de t'abandonner. Mais frère et soeur, elle a pris la décision. Elle a renoncé. Accepte de renoncer. Comme on a vu, tu m'iranges à Koukouangaïsha. Adikoussaïdia ou Safari à Chiro. Ou bien, est-ce que vous les croyez? Achavio! Laissez-les! Hautakufa. Na hautakufuanka. Kama Mungu asiyasema. Pour ta vie, toi ma soeur, la décision finale appartient à Dieu. Ataka makambo vumushima, inasema abakupende, Mungu atachanja decision yake. Na kuhakikishia mangaribi ya leo, wewe Mungu anakupenda. na njuu yako wewe Mungu anaweza kupika bantu njuu yako wewe Mungu anaweza kuua bantu uko mchakuliwa napenda nikupatie nguvu kama ulilekea beba nguvu Mungu anajua maisha huku naishi Mungu anajua njia ile alikupitisha na kuhakikishia yako na kuchunga njoo kumfariji Ruth la Moabite Luta wa kumwabu Ça c'est selon les hommes. Il ne faut pas attendre la bantu. Mais selon Dieu, vous faut attendre la mungu. Elle n'était pas Moabite. Achipoa mutu wa kumwabu hapana. Selon Dieu, vous faut attendre la mungu. Elle était l'épouse de Moab. Alikuwa ni bibi wa Boaz. Selon Dieu, vous faut attendre kuona kwa l'épouse de Jésus-Christ. Bibi wa Jésus-Christ. Selon Dieu, vous faut attendre la mungu. Je l'épouse de Jésus-Christ. Bibi ya rusi wa Jésus-Christ. Dès ce soir, tangia magharibi ya leo. Je veux que tu règnes déjà. Mungu anapenda uanze kutawala. Dès ce soir, magharibi ya leo. Je veux que tu règnes déjà. Mungu anapenda uanze kutawala. Règne sur les démons. Uanze kutawala yule mademo. Règne sur la maladie. Règne sur les problèmes. C'est quoi il nous a dit? Demandez. Tout ce que vous allez demander de moi, je le ferai. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Dieu nous aime. Mungu anatupenda. Je t'aime. Mungu anakupenda. Mapendo ya Mungu. Le bien aimé de Dieu. Inapita mapendo ya Baba. Amour de Dieu, c'est pas la mute mon père. Mapendo ya Mungu. Amour de Dieu. Inapita mapendo ya chef yako mkamuni. L'amour de ton chef au service. Mapendo ya ule chef yako kesho itabadilika. L'amour de ton chef au service. Mais mapendo ya Mungu. Mais l'amour de Dieu. Haibadilika chapa. Ne change jamais. Vous êtes le bien-aimé de Dieu. Vous êtes le bien-aimé du Seigneur. Dieu nous a aimés. Trufonya nini? Qu'est-ce qu'on a fait? Nini ne le trufonya? Pour que Mungu atuchakule. Il y a des gens qui sont intelligents. Il y a des gens qui sont allés dans les séminaires. Il y a des gens qui ont étudié la théologie. Mais ils n'ont pas cette révélation. Mais toi, ma soeur, qu'est-ce que tu as fait? C'est la grâce de Dieu. C'est l'élection de Dieu. Prenez ça à cœur. C'est la grâce de Dieu. C'est l'élection de Dieu. Amen. Et Ruth, la lutte, quand elle est entrée, wakati aliingia à Bethléem, mu Bethlehemu, elle n'a pas croisé les bras. Asikuikale bila kufanya kitu. Elle n'a pas croisé les bras. Asikufunge mikono bila kufanya kitu. Elle a dit, alisema, je dois travailler. Ninapashi nitumike. Pour la survie de ma belle-mère. Tu as kuishi kwa mamangu. Notre Dieu. Mungu wetu. Quand vous avez de bonnes dispositions. Wakati una tayarisho mzuri. Il est le Dieu qui conduit les pas des justes. Eko Mungu mwenye kuongoza mambo. Il est le Dieu qui conduit les pas des justes. Mungu mwenye kuongoza mambo. Il est de bonnes dispositions. Mungu ana tayarisho. Les bonnes dispositions. Là où il n'y a pas le chemin, je vais prier le chemin pour toi. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Elle avait de bonnes dispositions. Je dois travailler pour nourrir ma belle-mère. Comme elle avait pris une bonne décision, Dieu a conduit ses pas. Elle n'est pas partie dans n'importe quel champ. Elle n'est pas partie dans n'importe quel champ. Elle est partie dans le champ de Boaz. Elle est partie dans le champ de Boaz. Et toi ce soir, tu es dans le champ de Boaz. Ici à Cambo, c'est ici le champ. C'est pourquoi nous sommes en train de graner derrière le serviteur de Dieu que Dieu a établi. Dieu nous bénira. Vivant de Michouke, nous va nous bénir. Vivant de Michouke, nous va nous bénir. Vivant de Michouke, nous va nous bénir. Vivant de Michouke, il est là où on a eu Isabaroutia. Alléluia. Dada. Kankamana, persévère. Kankamana, persévère. Mungu yuko na wewe. Dieu est avec toi. Mungu yuko na wewe. Dieu est avec toi. Frère, Dungu. Kankamana, persévère. Mungu yuko na wewe. Dieu est avec toi. Amen. Elle est entrée dans les champs. Alingia mashamba. Elle a commencé à glaner. Ananza kulokotisha. Elle a commencé à travailler. Ananza kutumika. derrière les serviteurs Umukongo ya batumishi que Boaz avait établi dans son champ. Bale Boaz aloué comme mashamba yake. Soyez derrière votre pasteur. Umukongo ya pastori wenu. Soyez derrière les anciens. Umukongo baze. Soyez derrière le conseil de l'église. Umukongo ya shauri ya kanisa. Ils ne vous amèneront nulle part. Abata mipeleka fazi ingine. Ashina na denomination ila temipeleka. Ina pa denomination ila. Eko na Kristo. Eko na Kristo. Mais ila Kristo. Na eko na mipeleka ni kwa Kristo. Et il vous conduit à Kristo. Faites-lui confiance. Il vous conduira jusqu'au bon port. Vous m'ouvrez, Mungu. Comme il s'est donné à Moutenkesa. Vous m'ouvrez, Mungu. Vous laissez Mungu à Goussema. A tout le monde. Vous laissez Mungu à Goussema. Dites Amen. Est-ce que vous le croyez? Si Naomi n'était pas là, si Naomi n'était pas là, Ruth ne pouvait pas avoir la possibilité d'aller travailler dans les champs de Boaz. Ruth ne pouvait pas avoir la possibilité d'entrer à Bethléem. Naomi, je peux dire, il était le ministère des transitions. Lui aussi, eux aussi, ce sont les ministères des transitions. Comment vous n'avez pas Branham est mort, n'est-ce pas? Branham a récupéré la ville. Nous avons les serviteurs fidèles et prudents. Et tout serviteur qui est dans le champ de Boaz, ce mandat-là, ce mandat-là, il est quasi, lui revient aussi. C'est ça. C'est quoi lui-même il dit? Mon ministère a été d'abord établi pour les serviteurs. Il dit tout n'oublie, tout ne vit plus. Nous prêchons, nous les puisons. Tout ne vit plus. Nous les puisons. Quel est cet homme? Depuis qu'il a commencé à écrire, il écrit toujours en signant, agissant. Tant qu'il y a rien à quoi dire, de la part de Dieu. Quand je suis content de la part de Dieu, Dieu devrait le conforter. Est-ce que vous comprenez? C'est un ministère de transition. Moïse est mort. Moussa Likoufa. Josué. Joshua. C'est à Josué. C'est à Josué. Que Dieu a dit. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Tu feras entrer ce peuple. C'est toi. Tu amèneras ce peuple à prendre possession de leur héritage. Et le Josué d'aujourd'hui. C'est Éphésiens chapitre 4. Tous les ministères, les cinq ministères, c'est un Josué. Mais dans les cinq ministères, il y a un homme qui a reçu un mandat particulier. Et nous sommes connectés à ce ministère-là pour continuer la marche. Révérend, c'est ça, non? Moi, je suis un vilain. C'est quoi vous me faites confiance? C'est parce que je crois comme vous le croyez. Je prêche comme vous prêchez. Nous avons le même langage. Amen. Amen. Comme nous avons travaillé, c'est de la même manière que nous aussi nous travaillons. Boaz, un jour, il entre dans le champ. Boaz, mashamba. Il regarde. Anangaria. Il dit, mais quelle est, qui est cette femme-là? Ule mwana mke ni wa wapi? Depuis que je suis ici, tangia nilifika hapa. Je n'ai pas vu qu'elle s'est donné le repos. Mishi umoni kupumushika. Et ne fait que travailler. Eko paka natumika. Qui est-elle cette ni nani ule mwana mke? Ule mwana mke ni nani? On lui dit que c'est Ruth la Moabi. Bana mwambia sema ni Luta wa Moabu. Mais selon Dieu, alakini kufatana na Mungu, elle n'est pas Moabite. Ana wa kutokea ku Moabu. Selon Dieu, kufatana kuona kwa Mungu. Hauna kandembo. Tu n'es pas kandembo. Hauna kachokwe. Tu n'es pas chokwe. Hauna kasai. Tu n'es pas kasayen. Hauna mulubwa. Tu n'es pas lupa. Hauna musonge. Tu n'es pas songe. Hauna canadien. Tu n'es pas wa Canada. Hauna allemand. Hauna wa Germany. Uko mtoto ya Mungu. Tu es un enfant de Dieu. Comme Ruth était sortie, c'est de la même manière que nous aussi nous sommes sortis. Nous sommes sortis de notre tradition. Nous sommes sortis des choses du monde. Nous sommes sortis même de ma tunapenda tukaingie. Nous voulons entrer. C'est pourquoi nous travaillons avec la parole de Dieu que Dieu nous donne. Ainsi, mes frères et sœurs. Vivi, bandukuna badada. De la même manière. Unamuna moja moja. Que Ruth avait travaillé. Il est lutte aritomika. Pour qu'elle puisse arriver même à être adoptée. Dieu a pas te kufika mukimo ya kukubaliwa. Elle a été adoptée. Bari mukubali. Elle a été adoptée. Bari mukubali. Elle a été adoptée, c'est parce qu'elle a travaillé. Bari mukubali kwani aritumika. Sans relâche. Bila kuacha. Na bya kweli. Et c'est vrai. Mumaria yote. Sous toutes les formes. Alianja kutenda sawa pratikawa mutoto. Sawa muyuda. Elle agissait comme une juive. Donc Piotr, il a dit qu'on avait Moabite. Piotr, tout ce qu'elle avait de la Moabite était sorti. Israël, Israélie, était en Égypte, n'est-ce pas? Alors comme Misri, il a vilé. Hein? Je vilé. Israël était né en Égypte. Israël, alors comme Misri. Et ils ont grandi en Égypte. N'abord comment la Misri? Ils ont commencé à parler comme des Égyptiens. Marianza kusema sa batu ya Misri. Ils ont commencé à agir comme des. Marianza kutenda sa batu ya Misri. Mais il est namna kutenda, il est Mungu ya na peine. Mais cette manière là d'agir, ce n'est pas ce que Dieu veut. Ils sont nés en Égypte. Ils sont en Misri. Naturellement. Kwa mwili. Mais par prédestination. Ils ne sont pas de l'Égypte. Ni batoto ya Mungu. Ce sont les enfants de Dieu. Beko na makao ya Dieu. L'air de mer. C'est pourquoi. Je crois mana. Comme ils avaient la nature égyptienne. Ça vient de quoi na sili ya wa Misri. Dieu. Mungu. N'a pas permis qu'il prenne un petit chemin pour entrer en Canaan. Dieu a permis qu'il passe par le désert. Le désert a travaillé pour qu'il puisse se dépouiller de toute nature égyptienne. Amen. Amen. Le temps difficile que vous voyez. Même le chômage que tu as. Ça travaille pour que tu puisses bien croître. J'ai toujours dit à mes frères, si tu cherches quelque chose et que tu ne l'obtiens pas, unaomba aupate, tu pries sans rien recevoir. Acha. Laisse la chose. Entre dans la vie de sainteté seulement. Entre seulement dans la vie de sainteté. Utaona vile vile vile shimama, vile yewe, de soi-même. Dieu, j'ai prié, je n'ai rien reçu. Je cherchais l'emploi, je n'ai pas. Je cherchais la promotion, je n'ai pas. Je cherchais un mari, je n'en ai toujours pas. Laisse. Entre seulement dans la vie des saints. Tu verras que ta cocotte, ta cocotte, ma faveur, toutes les faveurs de Dieu. Vous acceptez ça? On a été qui a il est. Israël aussi a marché. Israël n'a pas été. Il est passé dans le désert. Et le désert, c'était pour qu'il se dépouille. Qui se dépouille de la nature qu'ils ont hérité à l'Égypte. Il est varié rythme au Misri. Qu'il se dépouille du caractère. Qu'ils ont hérité en naissant en Égypte. Il est varié de Mukuzaliwa Mumisri. Toi et moi, nous sommes nés dans le monde. Tulizaliwa Mudunia. Mais, Alakini, Jésus, Yesu, il a dit à notre Père alimwambia baba yetu, que eux, ya kwamba bo, ils sont dans le monde. Beko Mudunia. Mais ils ne sont pas du monde. Alakini, amana ba Mudunia. Amen. Amina. Nous sommes dans le monde. Tuko mudunia. Mais nous ne sommes pas du monde. Alakini hatuna madunia. Et comme nous avions cru la parole de la vérité. Na vile tuliamini neno la ukweli. Vous connaîtrez la vérité. Mutajua ukweli. Et la vérité. Na ukweli. Vous affranchira. Itatuweka kwa ukweli. La vérité va nous affranchir. Ukweli itatuweka kwa ukweli. Na hali yote ya kidunia. De toute nature du monde. La vérité va nous affranchir. Ukweli itatuweka kwa ukweli. Na hali yote ya kipagano. De toute nature païenne. S'il n'y a pas l'affranchissement, je pense que peut-être tu ne collabores pas avec le Saint-Esprit. C'est quoi la Bible dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Et Dieu dit, marchez selon, marchez selon, et vous n'accomplirez pas les désirs. Je viens à l'église et j'écoute. C'est-à-dire cette attitude de commérage que Dieu ne l'aime pas. Tu commencerais à faire la vaisselle. Quelques minutes, j'entre dans la chambre. Dakika kidogo, minengia mchumba. Mungu wangu. Mon Dieu. Cet état de commérage que je. Yakusema-sema. Te parle. Ça ne me mérite pas, moi, en tant que ton fils. Viens-moi en aide. Je ne veux pas cet état. Est-ce que vous comprenez? Tu travailles ou on t'envoie quelque part. Tu sens que. On a siqué à quoi? Comment on a coupé ça comme ni $40 pour que vous fassiez quelque chose? Pas que oui, mais. Lorsque tu donnes $40, il faut que tu voles à tout prix. Dans cette. Pas que oui, mais on t'a $5. À tout prix, voler même ne fût-ce que $5. Pas que oui, mais on t'a $10. Il faut que tu voles même $10. Qui c'est où n'est-ce que l'un? Après tout, tu vas aller mentir. Ou ta foi la ville. Tu le feras. Tu sentiras que ton cœur ne sera pas tranquille. Amen. Amen. Pas les rois yako aina tranquille. Là où ton cœur n'est pas salama. Il ne faut pas croiser les bras. Entre dans la chambre. Ingia mchumba. Même sous l'arbre. Atachini ya muti. Fais semblant. Tu peux tenir à l'arbre. Mais tu kubamba kumuti. Mais tu es en train de dire. Alakini uko nasema. Mungu wangu. Mon Dieu. Viens-moi en aide. Minangaika sana na maisha. Vraiment, j'ai beaucoup souffert avec cette vie. Kama unyokoe nani atanyokoa. Si tu ne me sauves pas, qui d'autre me sauvera? Kama we Mungu unisaidie nani atanisaidia? Tu ne m'aides pas, qui d'autre viendra m'aider? Je ne sais pas si ça vous arrive. Si tu es comme un ami fikiaka. Un on a muntu eko nenda mchia. Mais eko na risemeya. En train de se parler. Eko na jitongoleya. Il est en train de. Eko na jikatala. Il se refuse soi-même, il se renonce. Utono unafanya mambo haina bien. Na wewe moyo unaanza kutomboka. Vous faites quelque chose qui n'est pas correct. Ben, unapiga mkono kwa mambo ya mesa. Watu wanaweza kuangalia sema. Unaweza kushirikia bantu. Unaweza kujishirikia mimi moja. Je suis pas contre moi. Il est ma disposition. Il est ma tarisho. Le diable nous a ravis cette disposition. Tu crois vraiment beaucoup distrait. Nous sommes devenus bakulengama. C'est comme si nous sommes en train de chercher Dieu. Alors en tâtonnant, pendant que lui a promis en disant, je serai au milieu de vous. Takwa katikati yenu. J'habiterai au milieu de vous. Taka katikati yenu. Je marcherai avec vous. Natembea pamoja na mwe. Ce sont les dénominationnels qui cherchent Dieu. Ni mama zebu jobe kuna mtafuta. Nous on ne cherche pas Dieu. Si ça tu mtafuta. Dieu est avec nous. Mungu yako pamoja nasi. Kama mtu anabisha, si quelqu'un conteste, umuoneshe sasa twende kukanisa yetu. Dis-lui, venez à notre église. Twende kukambovu tabernacle. Kambovu tabernacle. Ule Mungu unatafuta utamwona. Mais Dieu que tu cherches, tu le verras. Oui. Dio. Nous sommes les gens qui doivent défier le diable. Nous vantu bakupinganisha shetani. Nous sommes les gens qui doivent défier le diable. Nous vantu bakumpinganisha shetani. Kama shetani anasema na wewe sema. Lorsque le diable parle, kama shetani anafoka na wewe foka. Lorsque Satan gronde, toi tu gronde. Kama anachofa na wewe chofa. Il s'approche toi aussi. Kama anachofa ata kimbia. Dès que tu t'approches, il va pas te tenir. Kama anachofa na sauti ya Mungu. Nous ne s'approchons pas de l'Esprit de Dieu. Ainsi, mes frères et sœurs. Je lis quelque chose. Nous ne sommes pas de l'Esprit. L'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu dans cet âge, ya Mungu mwikizazi, à travers le ministère prophétique, kupitia utumishi ya unabii, dans la prédication, quelle maison me bâtirez-vous? Mu mahubiri, ni nyumba gani ile mutanijengea? Du 21-11-1965. Ya 21-11-1965. Paragraphe 32. Makumitatuna mbili. Et maintenant, à Passasa, que Dieu a envoyé frère Grill ici, Mungu alituma ndugu Grill hapa. Moi je peux dire, mina wezi kusema, et maintenant, à Passasa, que Dieu a envoyé frère Ngoindai ici, Mungu alituma ndugu Ngoindai hapa, qui nous a ouvert une église, ula litufunguria kanisa, d'une foi du même prix, ya imani ya bei moya, chikoa comme nous. Mwenye kwa mini, yenye kwa mini sawa sisi. Nous devions être très reconnaissants à Dieu. Tunapashi kuwa ba kumushukuru Mungu sana. Nous devions être très reconnaissants à Dieu. Tunapashi kumushukuru Mungu sana. Et assister à toutes les réunions. Na kukusanika mumikusaniko yote. Nous devions être très reconnaissants. Tunapashi kuwa ba kushukuru sana. Et assister à toutes les réunions, yote, prendre toute la place que nous devons prendre. Fazi yote ile tunapashi kuchugua. Et si on fait appel à nous, kama bakituita, qu'on nous demande de prier, batuombe tupate kuomba, qu'on nous demande de chercher, batuombe tutafute, qu'on nous demande de faire quelque chose, batuombe tufanye kitu fulani, soyons des soldats. Tukue baskari. Soyons des soldats. Tukue baskari. Pour faire ce qu'on demande de faire. Na tufanye ile wanatuomba. Soyons des soldats. Tukue baskari. Pour chercher ce qu'on demande de chercher. Na kutafute ile wanatuomba tutafute. Vraiment désireux de le faire. Mwenye kutamani kuifanya. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Mungu ambariki banduku. Je vois que les chaises sont pleines. Mina ona sima biti na yala. Il y a quelques chaises seulement. Kuku tu biti kidoko aina na batu. Dieu vous bénisse. Mungu ambariki. Vous avez écouté l'appel de, du berger. Mulisikia mwito ya mchungaji. Kama anaangalia vile anaona tu hivi tu. Si le regarde tel que nous sommes là. Parce que kama ego ne pika byakura, ashipika byakura ya bantu bawili. S'il prépare à manger, il ne prépare pas pour deux personnes seulement. Ni baba kani kama nifika biyakule biyabantu 600 anona bantu 10 wanatokela njipa atasikia bien la nourriture pour 600 personnes mais il voit que 2 personnes venir seulement est-ce que ça sentira bien il va pas se sentir bien atanza kutompola il va commencer à se lamenter à regretter mais kama nifika biyabantu 600 mais lorsqu'il prépare la nourriture pour 600 personnes 592 wanatokele mais 592 arrive mule vous 592 dans ces 592 mwingine anasema bon l'autre dit non fulani eko pengine ni hôpital tel est empêché à l'hôpital fulani eko na problème fulani tel autre est empêché par tel problème et tu mnaelewa et on va même prendre à cœur les problèmes des autres là-bas et quand on va prier Dieu va nous aider ata mambo ya bale benya banako mkiomba Mungu atajibu soyons des soldats mkuwe tukuwe baskari. Gardez le message honorable. Muchunge ujumbe na heshima. Gardez le message. Muchunge ujumbe. Ninapenda kila mtu aseme. Je voudrais que chacun parle. Gardez le message. Muchunge ujumbe. Gardez le message. Muchunge ujumbe. Vivez correctement. Muishi mnamna ya kunyoloka. Ne laissez pas des saletés venir sur le message. Mushache buchafu kuya mujumbe. Ne laissez pas des saletés venir sur le message. Mushache buchafu kuya yulu ya ujumbe. Gardez le message. Muchunge mujumbe. Safi. Nous vivons. Tukunaishi. À une heure trop tardive. Mwakati mwa inesha enda sana. Nous sommes à une heure trop tardive. Vivons le message dans la pureté. En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous, a besoin de progresser devant Dieu. Ma vie, votre vie, maisha yako weye, notre vie à tous, maisha yetu shibote, a besoin de progresser devant Dieu. Inahitaji pate kuendelea mbele. Qui accepte cela? Nani anakubali ile? Que Dieu nous vienne en aide. Mungu atusaidie. C'est ainsi que je vais terminer par là. Njoko mana taishia pale. Ça c'est William Marion Branham. Oui, William Marion Branham anasema. Ewald Frank nous dit ceci. Ewald Frank naye anatuambia hivi. Accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Kutimilika kwa maunabii ya Biblia mu wakati yetu ni mahubiri. Oui, mes frères, nous disons cela. Dio wanduku tunaisema. Parce que la manifestation de la vie chrétienne wani konekana kwa maisha ya Bukristo n'est pas une succession de hasard. Aina tu mambo ya kubatisha hapana. Israël a travaillé. Israël a ritumika. Il est sorti de l'Égypte. Alitoka Misri. Égypte avait sa réalité. Misri alikuwa na mambo yake. Et quand ils ont traversé la mer Rouge. Wakati walitambuka bahari mwekundu. C'était la mer Rouge. Ilikuwa ni bahari mwekundu. Et cette traversée avait sa réalité. Na kule kutambuka kulikuwa mambo ya vya kweli. Ce n'était pas une explication. S'ils veulent parler, ils parlent de la réalité qu'ils ont vécue. De la réalité qu'ils ont expérimentée. Watamwambia ni mambo ya kweli kweli ile bahari. Quand ils ont commencé à marcher dans le désert. Wakati waanza kutembea mu jangwa. Le désert était différent de l'Égypte. Jangwa ilikuwa yenye kuachana na Misri. Oui. Ndio. C'était différent. Ilikuwa yenye kuachana. Le désert, c'était le désert. Jangwa ilikuwa ni jangwa. Et le désert avait ses réalités. Jangwa na yeye ilikuwa na mambo yake. Et ils ont vaincu les réalités du désert. Barishinda mambo ya kweli ya mujangwa. Quand ils sont arrivés au Jourdain, il y avait la réalité là-bas. Wakati walifika ku Yordano kulikuwa mambo yake. Et quand ils sont entrés en Canaan. Wakati waliingia mu Canaan. Mais c'était aussi différent. Ilikuwa yenye kuachana. Ils ont vaincu quelque chose de différent du désert. Barishi kitu kenye kuachana na kya mujangwa. Mais ils étaient dans une marche de progression. Alakini barukwa musafari ya kuendelea kusonga mbele. Monsieur, mes frères. Bantu kuna badada. Ne mourez pas dans le désert. Mushifuye mujangwa. Il n'y a pas la résurrection dans le désert. Hakuna ufufuko mule mujangwa. S'il y avait la résurrection dans le désert. Kama kuko ufufuko mujangwa. Joseph. Yosufu. Ne devrait pas faire jurer ses frères. Ashikupashi kulapisha banduku yake. Pour que le jour où Dieu va les visiter. Kwa siku ile atabatumunga atabatembelea. Qu'il puisse déterrer les os. Bapate kubeba mifupa yake. Et qu'il puisse marcher avec ses os. Na kuenda na ile mifupa yake. Pour aller avec ça en Canaan. Il n'y a pas la résurrection dans le désert. Amuna ufufuko mu jangwa. Kore alikufa mu désert. Kore temora en désert. Alipoteya. Il était perdu. Est-ce que amuna shikia? Eti vuzekufu kufu. Nous sommes obligés. Tuna lazimisha. De finir la marche. Ya kumaliza safari. Moïse. Musa. Bon, je dirais c'est Dieu qui l'a enlevé. Nasema ni Mungu ndiye alimnyanyua. Dieu l'a enlevé. Mungu alimnyangula, alimnyanyua. Pourquoi? Dieu kama na yeye. Jusqu'à ce jour, Satan ne connaît même pas son tombeau. Kufika na leo ni shetani ashiwe kaburi yake. Mungu yeye mwenyewe alimshika. C'est Dieu seul qui l'a enterré. Amen. Amina. Voilà. Dieu vile. Il nous dit ceci. Anatuambia hivi. Accomplissement des prophéties bibliques dans notre temps. Du dimanche 7 février 2021. Ya dimanche 7 février 2021. Page 6. Carta Siasita. Il dit ceci. Ah, c'est maïvi. On commence par le dernier paragraphe. Tunanziana nukta ya mwisho. Bien aimé frères et sœurs. Bapendwa banduku na badada. Que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Mungu apate kutupatia neema yake. Qu'il n'y ait rien dans notre cœur. Kusikwe kitu hata kimoja mu moyo wetu. Qui pourrait nous empêcher d'atteindre la perfection. Kile kinawezi kutuzuiza tushifike ku ukamilifu. Vous êtes là? Amen. Munafuata? Ça c'est du 7 février 2021. Ini ya 7 février 2021. Bien-aimés frères et sœurs, Bapendwa banduku na badada, que Dieu puisse nous accorder sa grâce. Mungu atupatie neema yake. Qu'il n'y ait rien dans notre cœur. Usikwe kitu hata kimoja mu moyo wetu. Qu'il n'y ait rien dans ton cœur, ma sœur. Usikwe kitu hata kimoja mu moyo wako, dada yangu. Qu'il n'y ait rien dans ton cœur, mon frère. Usikwe kitu hata kimoja mu moyo wako, ndugu yangu. Qu'il n'y ait rien dans mon cœur. Usikwe kitu hata kimoja mu moyo wako. Qui pourrait nous empêcher d'atteindre la perfection. Ya kuweza kutuzuiza kufika ku kamilifu. Que nous soyons trouvés par le Seigneur que nous soyons trouvés par le Seigneur avec des cœurs purs. Et que nous puissions comprendre dans la foi que toute l'œuvre, tout le plan de la rédemption de notre Seigneur est baigné dans l'amour de Dieu. Cet amour de Dieu doit être déversé. Doit être répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Toutes ces choses doivent devenir nos expériences personnelles du salut. Toutes ces choses, gagnez tout à somme, que nous allons lire bientôt. Toutes ces choses doivent devenir. C'est une obligation pour quiconque attend le retour de Jésus-Christ. C'est une obligation pour quiconque est en train de fuir la colère à venir. Toutes ces choses doivent devenir nos expériences personnelles du salut. La conversion, la repentance, le renouvellement, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et du feu jusqu'au scellement. Est-ce que l'Église vous suivez? Toutes ces choses doivent devenir. Pas doivent être. Doivent devenir. C'est une obligation de maintenant. Ne croyons pas seulement les dieux d'hier, ni les dieux de demain. Croyons aussi les dieux d'aujourd'hui. Est-ce que vous êtes là, Église? Toutes ces choses doivent devenir nos expériences personnelles du salut. La conversion, la repentance, le renouvellement, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et du feu et le scellement. C'est ça la marche. Je commence par la conversion. Si je me convertis, si je passe à une autre étape, ce n'est pas de dire que la conversion se perd. La conversion demeure. La repentance demeure. Le renouvellement demeure. La nouvelle naissance demeure. Le baptême du Saint-Esprit demeure. Le scellement demeure. Toutes ces expériences bibliques doivent devenir nos expériences personnelles. Du salut, l'une après l'autre, pour que nous soyons trouvés prêts pour pouvoir rencontrer notre Seigneur dans les airs. Pour rencontrer notre Seigneur dans les airs, qu'est-ce que tu dois avoir en toi? La conversion, la repentance, le renouvellement, la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit et du feu et le scellement. Qui est d'accord avec ça? Qui veut expérimenter ça? Si tu veux expérimenter ça, mets-toi debout. Je remets la chair au pasteur.